sais que ma position est enviable, est un fonctionnaire, est un poste confortable. C'est pour ça que je laisse courir l'horloge sans me plaindre des jours moroses. Mes habitudes me rassurent. L'inconnu subit la censure, ma femme est l'étoile de mon existence. Pourtant des soirs je me sens en partance, en partance. Encore 10 ans à tenir, ce n'est pas le moment de fléchir. Encore 10 ans à tenir, et je peux commencer à rire. Encore 10 ans à tenir, ce n'est pas le moment de fléchir. Encore 10 ans à tenir, et je peux commencer à rire. Discret pour ne pas se faire opérer, pour rester dans la maîtrise du glandouillage est un art qui demande des heures de travail. Gagner sa croûte, tout le monde le fait. Moi j'essaye de ne pas me fatiguer, toutes mes heures sont bien comptabilisées. Pas une de plus, je ne suis pas un forcené. Il ne faut pas que je craque, il ne faut pas que je craque. Encore 10 ans à tenir, ce n'est pas le moment de fléchir. Encore 10 ans à tenir, sans que j'ai le choix. Mon existence se résume à quoi? La vie que j'ai était dans l'adéquation avec l'espérance d'autrefois. Mais qui se souviendra de moi, petit fonctionnaire minable au service d'un état qui ne le connaît pas? Heureusement les tranquillisants m'aident à rationaliser. Quand je serai retraité, je ferai enfin ce que je voudrais. J'attends le mot.